ma sœur. Tu sais que nos marins sont devenus plus politiciens que les politiciens même. Ils mentent comme ils respirent. Et ils sont jamais rassasiés. Ils sont dans toutes les sauces. Tu t'en vas pour revenir très tard. Tous les soirs tu es fatigué parce que tu as trop travaillé. Tu as eu trop de réunions, des dîners d'affaires et des audiences. Et pourtant toi-même tu sais avec qui tu passes tes soirées. Tous les matins tu t'en vas pour revenir très tard. Parce que tu as trop travaillé, tu as eu trop de réunions, des dîners d'affaires et des audiences. Et pourtant toi-même tu sais avec qui tu passes tes soirées. Devenir ta sœur, je suis devenue ta...